Premier livre de Samuel, chapitre 24. Puis David monta de là, et demeura dans les lieux forts d'Engedi. Et quand Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport, disant, « Voilà David au désert d'Engedi. » Alors Saül prit 3000 hommes d'élite de tout Israël, et il s'en alla chercher David et ses gens, jusque sur le haut des rochers des Chamois. Et Saül vint au parc des brebis auprès du chemin, où il y avait une caverne dans laquelle il entra pour ses nécessités, et David et ses gens se tenaient au fond de la caverne. Et les gens de David lui dirent, « Voici le jour dont l'Éternel t'a dit, voici, je te livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu lui fasses selon qu'il te semblera bon. » Et David se leva, et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Après cela David fut touché en son cœur de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, en mettant ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Ainsi David détourna ses gens par ses paroles, et il ne leur permit point de s'élever contre Saül. Puis Saül se leva de la caverne, et s'en alla son chemin. Après cela David se leva, et sortit de la caverne, et cria après Saül, en disant, « Mon Seigneur le roi !» Et Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre, et se prosterna. Et David dit à Saül, « Pourquoi écouterais-tu les paroles des gens qui disent, « Voilà, David cherche ton mal ?» Voici, aujourd'hui tes yeux ont vu que l'Éternel, t'avait livré aujourd'hui en ma main dans la caverne, et on m'a dit que je te tuasse, mais je t'ai épargné, et j'ai dit, je ne porterai point ma main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Regarde donc, mon père, regarde, dis-je, le pan de ton manteau qui est en ma main, car quand je coupais le pan de ton manteau, je ne t'ai point tué. Sachez connais qu'il n'y a point de mal ni d'injustice en ma main, et que je n'ai point péché contre toi, et cependant tu épies ma vie pour me l'ôter. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera point sur toi. C'est des méchants que vient la méchanceté, comme dit le proverbe des anciens, c'est pourquoi ma main ne sera point sur toi. Après qui est sorti un roi d'Israël, qui poursuis-tu, un chien mort, une puce? L'Éternel donc sera juge, et jugera entre moi et toi, et il regardera et plaidera ma cause, et me garantira de ta main. Or il arriva qu'aussitôt que David eut achevé de dire ces paroles à Saül, Saül dit, « N'est-ce pas là ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva sa voix, et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que je t'ai fait, et tu m'as fait connaître aujourd'hui comment, tu as usé de gratuité envers moi, car l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et cependant tu ne m'as point tué. Or qui est-ce qui ayant trouvé son ennemi, le laisserait aller sans lui faire du mal, que l'Éternel donc te rende du bien, pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Et maintenant voici, je connais que certainement tu régneras, et que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. C'est pourquoi maintenant jure-moi, par l'Éternel, que tu ne détruiras point ma race après moi, et que tu n'extermineras point, mon nom de la maison de mon père. » Et David le jura à Saül, et Saül s'en alla en sa maison, et David et ses gens montèrent dans le lieu fort.